الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence le cours 114 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on était en train d'expliquer dans les cours derniers le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait pas de, comme s'il nous ordonne d'être des frères en tant que musulmans, et que le meilleur d'entre les hommes, c'est le plus pieux. Le meilleur d'entre les hommes, c'est le plus pieux, celui qui a plus de taqwa, peu importe son origine, peu importe sa couleur, peu importe qu'il soit arabe ou non arabe, c'est pas ça l'important. Et on a mentionné à ce sujet-là des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des versets dans le Coran qui indiquent que inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble d'entre vous pour Allah c'est le plus pieux, c'est celui qui a plus de taqwa. Et on expliquait aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit inna ala fulan laysu li bi awliya, en parlant des gens de sa famille, des membres de sa famille, il a dit ceux-là sont pas mes alliés. Pourquoi? Parce que ce sont pas des musulmans, même s'ils sont des arabes, même s'ils sont de la tribu de Quraysh, même s'ils sont parmi des nobles, c'est pas grave. S'ils ne sont pas des mu'minin, ce sont pas mes alliés. Et il a mentionné, là maintenant on était en train d'expliquer cet aspect-là par rapport à al-wala wal-bara, al-hubbu fillah wal-burdu fillah, fait d'aimer pour Allah, de détester pour Allah. Et on continue donc l'explication. Le cheikh il dit Ibn Taymiyyah, wa mithlu dhalika kathirun bayyinun fi al-kitab wa sunnah anna al-ibrata bil asma' allati hamidaha Allah wa dhammaha kal-mu'min wal-barr wal-fajir wal-'alim wal-jahil ila akhirih. Donc il dit il y a beaucoup d'autres exemples comme ça dans le Coran et dans la Sunna qui ont été clarifiés. Et l'important, en fait, c'est les noms que Allah a glorifiés et les noms qu'il a blâmés aussi. Donc, il a utilisé des termes dans la révélation pour glorifier certaines personnes ou pour blâmer certaines personnes. Et parmi les termes qu'il a employés, par exemple, il a employé le nom « mu'min » pour les croyants. Et kafir pour le mécréant, bar pour celui qui est bon, qui est pieux et vertueux, et fajir pour celui qui est pécheur, alim pour celui qui a de la science, et jahil pour celui qui est ignorant. Donc ça c'est les termes que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé dans la révélation pour glorifier ou pour blâmer. Et donc on n'a pas à se référer à autre chose pour glorifier ou pour blâmer quelqu'un, dans le sens que si on va dire par exemple utiliser des termes comme pour dire arabe ou non arabe, ça c'est pas un blâme en soi, c'est pas une glorification en soi, parce que le fait d'être arabe ça te glorifie pas et ça te blâme pas non plus. L'important c'est que tu sois mu'min ou non, que tu sois quelqu'un qui est sur la foi ou non. Donc c'est ça que le cheikh il essaie d'expliquer maintenant, c'est que les noms dans lesquels il y a des glorifications ou des blâmes, eh bien ils n'ont pas rapport nécessairement avec ils n'ont pas du tout rapport avec l'origine ou la tribu ou des choses de ce genre. Et là le cheikh al-Fawzan il explique ça. Il dit الأسماء التي علق الله بها المدح والذم ليس لذاتها وإنما للصفات التي يتصف بها أصحاب هذه الأسماء فإن كان مؤمنا فإنه يعامل معاملة المؤمن وإن كان كافرا فإنه يعامل معاملة الكافر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإن كان مؤمنا فاسقا يعامل معاملة المسلم العاصي ولهذا قالوا إن الناس ينقسمون بالنسبة إلى المحبة وَالْمُوَالَاتِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامِ. Donc ça c'est un point important, on va expliquer ça. Le cheikh il dit les noms auxquels ou après avec lesquels Allah a rattaché une glorification ou un blâme, eh bien, ce sont pas, c'est les blâmes et les glorifications qui sont rattachées à ces noms-là ne sont pas rattachées aux noms en eux-mêmes, mais plutôt aux caractéristiques qui sont rattachées ou qui sont reliées, hein, à ceux qui possèdent ces noms-là. Dans le sens que quelqu'un peut se dire mu'min, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement mu'min. Il y a des caractéristiques qu'on doit posséder pour être mu'min. Hein? Et quelqu'un peut accuser une autre personne d'être kafir, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement kafir. Mais il y a des caractéristiques qui sont reliées avec, hein, l'appellation kafir. Hein? Et donc, le cheikh, il explique, il dit que si la personne est croyante, on doit agir avec cette personne selon l'attitude qu'on doit adopter envers le croyant. Et si la personne est kafir, c'est un mécréant, alors on doit agir avec cette personne selon le comportement, hein, qu'on doit adopter envers le kafir. Et si la personne est un croyant, mais fasiq, c'est-à-dire c'est un croyant, mais il fait des péchés, il est pécheur, alors il doit être traité de la même manière qu'on traite le musulman qui commet des péchés. Et c'est pour cette raison-là que les ulama ont dit qu'en ce qui concerne l'amour et l'allégeance, il y a trois catégories dans lesquelles on peut catégoriser les gens par rapport à ça. Il dit « Qismun yuhabbu hubban khalisan wa huwa al-mu'min al-mustaqim ala ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala fa hadha yuhabbu muhabbatan khalisa wa al-thani man yubghadu bughdan khalisan والكافر وهو الكافر والمشرك فهذا يبغض بغضا خالصا والثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه وهو المؤمن العاصي فإنه يحب لما فيه من يحب لما فيه من الإيمان ويبغض لما فيه من المعصية. Donc il dit que ces trois catégories-là par rapport à l'amour et à l'allégeance, l'amour et l'alliance, ou bien aussi la fait de détester pour Allah ou d'aimer pour Allah, les catégories des hommes par rapport à ça sont de trois. La première catégorie, c'est ceux qu'on doit aimer de façon pure et complète, et c'est-à-dire que ce sont les croyants qui sont sur le droit chemin et qui obéissent à Allah. Ceux-là, on doit les aimer d'un amour pur. Pourquoi ? Parce que ce sont des croyants sincères, obéissants et qui suivent le droit chemin sur l'obéissance d'Allah. Ils ne font pas des péchés ouvertement. La deuxième catégorie, c'est ceux qu'on doit détester d'une haine pure dans le sens que ce sont des kuffars ou des mushrikines. Ceux-là, tu dois les détester d'une façon complète. Pourquoi ? Parce que c'est des gens que Allah déteste. Ce sont des kuffars et des mushrikines. Ils associent avec Allah, ou ils nient l'existence d'Allah, ou ils refusent de se soumettre à Allah et de l'adorer. Et la troisième catégorie, c'est ceux que tu dois aimer d'un certain point de vue et tu dois les détester d'un certain point de vue. Et c'est qui ? C'est le musulman, mais qui commet des péchés ouvertement. C'est-à-dire que tous les musulmans peuvent, hein, en général, comme le prophète a dit, kullu Bani Adam khatta, hein, tous les fils d'Adam font des péchés. Les meilleurs parmi ceux qui font des péchés sont ceux qui se repentent. Donc tous les croyants, tous les musulmans font des péchés et commettent des péchés. Sauf qu'il y a des différences de degrés dans les péchés. Certains commettent des péchés en cachette ou bien ils se cachent pour désobéir à Allah parce qu'ils ont de la gêne ou ils ont honte de désobéir à Allah. Tandis que d'autres font des péchés ouvertement et en public et ils n'ont aucune gêne de ça. Donc ceux-là, c'est ceux qu'on appelle hein, des pécheurs, hein, musulmans pécheurs. Ils désobéissent à Allah et à son messager ouvertement. Et donc le cheikh dit que cette catégorie-là, on doit les aimer d'un certain point de vue parce que ce sont des croyants, mais on doit les détester d'un certain point de vue par rapport à leurs péchés aussi. D'accord ? Et on peut entrer également dans cette catégorie les gens de bid'a, les innovateurs, ceux qui commettent des bid'a, des innovations. Hein, ils sont musulmans, hein, tant que leur bid'a n'est pas une bid'a qui arrive au degré de shirk ou de kufr majeur, dans ce cas-là, on dit, bon, ce sont des musulmans, mais à cause de leur bid'ah, on doit les détester à cause du danger de la bid'ah. Et le cheikh il dit ensuite والأحكام المعلقة بالصفات لا الأحكام معلقة بالصفات والأحكام معلقة بالصفات لا بمجرد الأسماء كالمؤمن والبر والفاجر والفاجر والعاصي والكافر فكل اسم له مقتضاه من الولاء والبراء. Donc le cheikh il dit les règles dans l'islam par rapport à ces noms-là ne sont pas reliées uniquement aux noms et aux appellations et aux termes qu'on a, ces termes-là. Non, les règles sont reliées aux descriptions et aux caractéristiques de chaque qui sont impliquées par chacun de ces noms-là. D'accord? Donc le cheikh il dit par exemple, on va pas juger quelqu'un ou appliquer à quelqu'un uniquement le nom et juger quelqu'un uniquement par rapport au nom qu'on lui donne, mu'min ou bar ou fajir ou asi ou kafir. Non, il y a pour chacune de ces noms là des caractéristiques qui suivent et qui viennent avec. Donc il faut vérifier que le nom correspond aux caractéristiques, ça c'est une chose. Et en même temps, comme le cheikh il le dit ensuite, pour chacun de ces noms-là, il y a une implication par rapport à l'amour, par rapport au fait de détester, et ainsi de suite. Et il dit ensuite, وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ مَنْ يُنَادِي وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ مَنْ يُنَادِي بِهِ الْمُغْرِضُونَ وَالْجُهَّالَ الْيَوْمِ من أنه لا يقال للكافر كافر ولا للفاسق فاسق ولا للعاصي عاصي ولا للمنافق منافق ويطالبون بإصلاح الخطاب الديني لأنهم يعتبرون هذا من الغلو وهو من باب التطرف وكره الآخر وهذا إلغاء لما في كتاب الله سبحانه وتعالى من تسمية الكفار كفارا والمشركين مشركين والمنافقين منافقين وأهل الإيمان مؤمنين ولهذا فالواجب أن يعامل كل بموجب ما يقتضيه هذا الاسم الذي يتسمى به أو الصفة التي يتصف بها. Donc le cheikh il dit ici quelque chose qui est très important. Il dit ça montre la fausseté de ceux parmi les opposants et les ignorants aujourd'hui qui disent il faut pas dire à propos d'un mécréant qu'il est kafir, ou à propos d'un pécheur qu'il est fasiq, ou à propos de celui qui fait qui désobéit à Allah qu'il est asi, parce qu'il fait des péchés et des désobéissances. Et qu'il faut pas dire à propos de celui qui est hypocrite, munafiq, On doit pas dire à propos de munafiq qu'il est munafiq, ou du kafir qu'il est kafir, ou du fasiq qu'il est fasiq, et ainsi de suite. Et ils veulent qu'on réforme le discours religieux. Ils disent il faut réformer le discours religieux. Ça veut dire quoi ça? Pour eux, réformer le discours religieux, ça veut dire il faut changer la façon dont on parle des gens qui ne sont pas musulmans ou qui font des péchés. Il faut pas les appeler par les termes qui sont employés par la révélation. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ça c'est de l'exagération, de l'extrémisme, que c'est quelque chose qui appelle à détester l'autre, et que ça c'est quelque chose de mauvais. Parce que c'est quelque chose qui est en contradiction avec la mentalité moderne des koufars aujourd'hui qui appellent à comme les termes qu'ils utilisent aujourd'hui, c'est le pluralisme, le vivre ensemble, l'intégration, l'humanisme, le progressisme, et donc tous ces termes-là sont des termes qui sont à la mode et qui viennent pour eux qui viennent en contradiction avec qu'est-ce qui est enseigné par l'islam, dans le Coran et dans la Sunna. Donc c'est ça. Parmi les termes, il y a le vivre ensemble, le bon voisinage, le pluralisme, l'acceptation de la pluralité, la diversité culturelle et sociale et religieuse. La tolérance, la liberté d'opinion et de croyance, le respect de la dignité humaine, l'ouverture à l'autre. Il y en a tous ces termes-là, c'est les termes qu'on entend maintenant. Sauf que, Le cheikh, il dit, si on va réformer le discours religieux et abandonner les termes que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélés dans le Coran et dans la Sunna, parce que ces gens-là, ça leur fait pas plaisir, et qu'on va délaisser ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans ces choses-là, eh bien, c'est comme si en réalité on va éliminer ou abroger ou rejeter une part de ce qui est révélé dans le Coran. Ça veut dire on va délaisser la révélation. On va pas dire des koufars qu'ils sont koufars. On va dire quoi? Ils sont quoi alors? Si les koufars sont pas des koufars, ils sont quoi? Hein? Si les mouchriquins, ceux qui font le shirk, sont pas des mouchriquins, alors dans ce cas-là, hein, ils sont quoi? On va les appeler quoi? Et les munafiqins, s'ils sont pas des munafiqins, on va les appeler quoi? Hein? Et si les croyants, hein, on les appelle pas croyants, on va les appeler quoi? Donc ça veut dire que maintenant la religion elle aura plus de sens, parce que on va plus employer les termes qui ont été désignés par Allah subhanahu wa ta'ala pour définir et distinguer entre les gens, hein, entre les croyants et les non-croyants. Et j'ai été souvent critiqué de cette façon par rapport à ça lorsque j'ai été imam dans une autre mosquée avant, et il y a des gens qui disaient, pourquoi tu dis kuffar? Pourquoi tu dis kafir? Hein? Pourquoi tu dis pas les non-musulmans? Ou pourquoi tu dis pas les autres? Hein? Ou bien, pourquoi tu dis kafir ou kuffar? J'ai dit, mais Allah, il les a appelés kuffar, pourquoi je vais pas les appeler kuffar? Le problème, c'est que ces gens-là, ils réalisent pas. C'est que beaucoup de gens parmi les musulmans aujourd'hui, tellement qu'ils sont éloignés de la réalité de l'islam et des enseignements de l'islam, c'est qu'ils ne savent même plus qu'est-ce que le terme kafir signifie. Pourquoi? Parce que pour eux, les termes comme ces termes-là sont devenus des termes associés à des gens et non pas à des descriptions et à des caractéristiques. Comme par exemple, si tu dis, pour certains musulmans, si tu dis kafir, eux, dans leur tête, qu'est-ce qui vient? C'est des gens de tel pays ou de tel pays. Hein? Comme s'ils pensent que quand tu dis kafir, ça veut dire quelqu'un qui vient de tel pays ou de tel pays. Pourquoi? Parce que pour eux, être musulman, c'est devenu une ethnie. Hein? Comme s'il y a des gens qui font le lien toujours entre arabe et musulman. Donc ils disent, c'est la religion des arabes. Non, l'islam, c'est pas la religion des arabes. Il y a des arabes chrétiens, il y a des arabes juifs, il y a des arabes athées, il y a des arabes communistes, il y a des arabes laïcs, il y a des arabes, hein, de différentes croyances. Il y a même des arabes idolâtres qui adoraient des idoles. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, de croire que, parce que c'est l'islam, le Coran est révélé en arabe, que ça veut dire que c'est la religion des arabes, c'est faux. Hein? Mais en même temps aussi, il y en a des gens qui pensent que le mot kafir, ça se réfère à un peuple. Hein? Et donc quand tu dis par exemple pour certains, par exemple quelqu'un qui est français, pour eux c'est un kafir. Hein? Les Français c'est des koufars, les Américains c'est des koufars, les Anglais c'est des koufars. Et pourtant parmi ces peuples-là, il y en a qui sont musulmans, hein? Il y en a qui sont convertis. Donc tu peux pas dire ça. Hein? Donc le terme kafir, ça désigne pas une ethnie ou un peuple ou une nation spécifique. Mais ça décrit ou ça caractérise la personne qui a du kufr en lui. C'est-à-dire, soit qu'elle croit au kufr ou elle fait du shirk. Donc, tu vas dire d'elle qu'elle est kafir ou mushrik. Hein? Peu importe de quelle origine elle est, peu importe de quelle couleur elle est, peu importe de quel pays elle vient. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important de ramener les descriptions. La mentalité de certains est tellement éloignée de l'islam que des gens qui deviennent musulmans, hein, par exemple, on a vu ça par exemple en France et ailleurs, quelqu'un devient musulman et malgré qu'il s'est converti à l'islam, il continue à le considérer comme un kafir. Pourquoi? Il dit parce que toi t'es pas musulman parce que t'es français même si t'es converti. Comment ça? Hein? Comment ça, même s'il est converti, il a dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il fait la salat, il fait le ramadan, hein, il donne la zakat, il fait le pèlerinage, il fait le hajj, il fait la umrah, il lit le Coran, il croit en la sunna, il pratique les règles de la religion. Malgré ça, tu dis qu'il n'est pas musulman encore? Alors c'est quoi être musulman? Tandis que l'autre, par exemple, peut-être quelqu'un dans sa famille, dans son pays d'origine, il fait pas la salat, il donne pas la zakat, il a jamais fait le hajj, il a jamais pratiqué rien, il lit jamais le Coran. Peut-être même il insulte la religion, mais il dit je suis musulman parce qu'il est né dans une famille musulmane, il vient d'un pays musulman. Hein? Donc, à cause de cette mentalité-là, ça fait en sorte que les gens, ils n'ont pas compris la réalité des termes islamiques. Et donc, ils pensent que quand tu parles de kafir, ça désigne une ethnie quelconque, ou une origine quelconque parmi les gens, ou une langue, ou un peuple, alors que ça n'a rien à voir. Et donc, c'est pour ça, il faut comprendre que l'idée de vouloir réformer le discours religieux, ça, c'est une façon de déformer la religion, de rejeter la réalité des enseignements de l'islam. Et donc, si, c'est ça que je disais comme tout à l'heure, je disais, mais si on dit pas que les koufars sont des koufars, on va les appeler comment? Et aussi, il faut distinguer entre le fait qu'on s'adresse à des musulmans dans la mosquée, on leur enseigne l'islam, on leur récite les versets du Coran, on leur récite les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans le Coran et dans les hadiths on retrouve les termes kuffar, mushrik, hein, mushrikin et ainsi de suite. Donc on leur explique la signification de ces termes là qu'est-ce que c'est le kuffar, qu'est-ce que c'est le shirk, qui est donc par rapport à la définition du kuffar et du shirk, on peut déterminer par la suite qui est un kafir, qui est un mushrik, qu'est-ce que c'est le nifaq et qui est un munafiq, et ainsi de suite. Et lorsqu'on a compris ces appellations-là, la même chose aussi pour le mu'min, qui est muslim, c'est qu'est-ce que ça signifie islam, qu'est-ce que ça signifie al-iman, hein? Tout ça, une fois qu'on l'a défini selon le Coran et la Sunna, et qu'on l'a bien compris selon la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'ah, eh bien ces choses-là deviennent claires. D'accord. Et en même temps, si on dit pas du kafir qu'il est kafir, on va l'appeler comment? Eux ils disent on va pas l'appeler kafir, on va l'appeler non musulman, c'est-à-dire dans certains contextes il n'y a pas de mal de dire non musulman, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas musulman, mais ça c'est surtout dans le cas où tu vas t'adresser à eux dans le but de leur faire la da'wa ou de les appeler à l'islam. C'est-à-dire que lorsque tu vas parler avec tu parles avec quelqu'un qui est pas musulman, un juif ou un chrétien ou un athée ou autre, un bouddhiste ou un hindou, hein, ou peu importe sa religion, tu veux l'appeler à l'islam. Quand tu vas aller t'adresser à lui, tu vas pas lui dire toi le kafir, hein, kafir viens ici. Non, tu vas pas lui parler comme ça, parce qu'il y a pas de sagesse à faire ça. Même Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand il s'adresse avec les juifs, quand il s'adresse aux chrétiens, il dit « Ya Ahl al-Kitab ». Pourquoi il dit « Ya Ahl al-Kitab » ? Parce que ce sont des gens qui ont reçu le livre. Et Allah, il veut les inviter à l'islam. Il veut les appeler à se soumettre à l'islam et accepter la vérité. Donc, il les appelle en disant « Ya Ahl al-Kitab ». Ô vous qui avez reçu le livre. Hein? Ils ont un lien, hein, avec nous par rapport à leur livre. Donc, ils sont plus proches d'accepter l'islam que peut-être d'autres peuples qui n'ont pas reçu de livre. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise ce lien-là pour les inviter et pour les rapprocher. La même chose aussi avec les juifs. Il dit, Ya Bani Israël, hein, ô fils d'Israël. Israël, c'est qui? C'est Ya'qub, alayhi salam, le prophète d'Allah. Donc, ô vous, les fils de Ya'qub, hein, venez, écoutez, acceptez la vérité, acceptez l'islam. Vous avez un lien avec nous, parce que nous on croit à Yaqub et vous croyez à Yaqub. Hein? Donc si vous croyez réellement à Yaqub, alors vous devez accepter l'islam. Hein? Et la même chose aussi dans d'autres exemples. Ya Yuhannas, ô vous les hommes. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse, il parle, il dit ô vous les hommes. Et dans certains cas aussi, il a dit Ya Yuhal Kafirun. Hein? Qul Ya Yuhal Kafirun. Ô vous qui avez mécru. Dans certains contextes, parce que là c'est Al-Bara'a. Le désaveu. Il dit, qu'il y a ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Hein? J'adore pas ce que vous adorez. Moi, j'adore pas ce que vous adorez. Vous adorez les idoles. Vous adorez le soleil. Vous adorez la lune. Vous adorez les statues, les étoiles. Et moi, j'adore Allah seul. Donc, j'adore pas ce que vous adorez. Et vous adorez pas ce que j'adore. Hein? Donc, c'est dans le contexte de, du désaveu. Là, il les appelle, il dit « Ya ayyuhal kafirun ». Mais dans les autres contextes, quand le contexte de vouloir les appeler, les rapprocher, il mentionne d'autres termes pour les faire sentir plus près. Donc, toi, quand tu vas faire la da'wa au kuffar, et si tu veux les appeler à l'islam, eh bien, tu vas leur parler et utiliser les termes pour qu'ils puissent se sentir plus proches, pour qu'ils viennent vers l'islam. Mais quand tu parles avec des musulmans et que tu leur expliques la différence entre le musulman et le non-musulman, l'islam et le kufr et le shirk et ainsi de suite, eh bien là tu vas utiliser des termes qui sont clairs pour que tu puisses distinguer facilement. Et c'est ça que le cheikh il explique ici. Donc il dit, il est obligatoire donc d'agir avec chaque catégorie. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'agir avec chaque catégorie de personnes selon les noms que Allah subhanahu wa ta'ala a employés pour les désigner et selon les caractéristiques qui sont reliées à ces appellations-là. Après, le shaykh il dit, Allahu jalla wa ala qal qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abidun ma a'bud wa la ana abidun ma abadtum wa la antum abidun ma a'bud لكم دينكم ولي دين وهذا معناه البراءة منهم ومن دينهم وتسميتهم كفارا لماذا تبرأ منهم أو تتبرأ منهم لأن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأنهم كفار فقال قل يا أيها الكافرون فتبرأ منهم ومن عبادتهم فلا بد أن يسمى الكافر كافرا والمسلم مسلما والبر برا والفاجر فاجرا لما في ذلك من الأحكام العظيمة وتحقيق التميز الذي ذكره الله تعالى بين هذه المسميات وعدم اختلاطها والتباسها وقد جاء الآن من يقول الكافر لا يبغض لشخصه وإنما يبغض لدينه فقط وهذه مقالة محدثة تخالف قول الله تعالى عن الخليل والذين معه لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله تبرأوا منهم ومن دينهم. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran dans sourate Al-Kafirun: si, ô Muhammad, ô vous qui avez mécru, ô vous qui avez rejeté la foi, je n'adore pas ce que vous adorez. Je n'adore pas ce que vous adorez. Vous adorez les idoles, les statues, les tombes, les prophètes, les anges. Vous adorez toutes sortes de choses en dehors d'Allah. Mais moi, j'adore pas ça. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. Moi, j'adore Allah seul. Allah wahdahu la sharika lah. J'adore Allah sans partenaire, sans associé. Tandis que vous adorez pas Allah subhanahu wa ta'ala puisque vous faites du shirk. Wala ana abidun ma abadtum. Je suis pas l'adorateur de ce que vous adorez. Wala antum abidun ma a'bud. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. À vous votre religion de shirk et de kufr et à moi la religion de l'islam, le tawhid. L'unicité d'Allah, la religion des prophètes. Vous avez votre religion qui est fausse et moi j'ai la religion qui est vraie. C'est ça la signification de cette sourate. C'est pas la compréhension de certains qui pensent que ça veut dire vous avez votre religion, elle est bonne et nous on a notre religion aussi, elle est bonne. Donc toutes les religions sont bonnes. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Si tu lis bien comme il faut la sourate, tu vas comprendre que dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de nous désavouer de leur fausse religion et d'affirmer la véracité de l'islam et la véracité du tawhid et de l'enseignement des prophètes. Donc c'est une sourate qui établit le désaveu de leur religion et d'eux-mêmes aussi et qui les appelle des kuffars, kafiroun, kuffar, ça c'est différentes formes de ce terme-là. Et il dit pourquoi on se désavoue d'eux. parce qu'ils sont des kuffars, parce qu'ils ont rejeté la foi, ils refusent d'accepter la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, dit ô Muhammad, ô vous qui avez renié la foi, donc on se désavoue d'eux et on se désavoue de ce qu'ils, on se désavoue aussi de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Donc on se désavoue d'eux-mêmes, d'eux, parce qu'ils sont des mouchriquines et des kuffars, et on se désavoue aussi de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, leurs statues, leurs idoles, et tout ce qu'ils font comme fausses pratiques, et comme innovations, et ainsi de suite. Et donc il dit qu'il faut absolument donc que le kafir soit appelé kafir, que le musulman soit appelé musulman, que le pieux soit appelé pieux, et que le pécheur soit appelé pécheur. À cause de ce que cela implique et de ce que cela comprend, et wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, à cause de ce que cela implique comme comme réalité. Et le cheikh il dit aussi, parce qu'il y a relié à ces noms là des grandes significations et des règles aussi qui doivent être appliquées. Et pour établir également et réaliser et concrétiser cette distinction, la distinction entre les croyants et les non-croyants, telle que Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné, entre ces différentes appellations-là, et de ne pas confondre ou mélanger, ou rendre flou cette distinction entre ces différentes type de, ou catégorie de personnes par rapport à ces appellations-là. Parce que sinon, ça veut dire, eux, ils veulent établir, comme on dit, ils veulent, l'expression c'est quoi? Ils veulent brouiller les cartes, ou mélanger les cartes, pour qu'on sache plus qui est croyant, qui est pas croyant, qui est musulman, qui est pas musulman, qui est mouchrik, qui n'est pas mouchrik. Tout le monde est pareil, pour eux tout le monde est la même chose. Il faut plus se distinguer par rapport à la croyance ou à la foi ou la religion, l'important on est des êtres humains, l'important on est des êtres humains, ça suffit, pas besoin de se distinguer ou de se séparer par rapport à la croyance et à la religion, ils disent l'humanité doit pas être divisée à cause des croyances religieuses et des choses comme ça, alors qu'en réalité, lorsque l'être humain n'a plus de religion, n'a plus de croyance, qu'est-ce qu'il devient, Il devient rien. Il n'a plus rien qui l'oriente et qui le guide et qui peut l'aider à justement savoir qu'est-ce qui est vrai et faux. Qu'est-ce qui est égaré et puis qu'est-ce qui est guidance, il le sait plus. Et donc il y en a maintenant que, comme j'entendais dernièrement un chrétien qui disait, non mais nous on a maintenant, nous les chrétiens dans le passé on avait fait beaucoup d'erreurs à cause de la religion, mais maintenant on a compris, c'est pour ça qu'on a ramené les droits de l'homme, et puis maintenant on a les droits de l'homme, on n'a plus besoin de la religion. J'ai dit ouais, mais est-ce que les droits de l'homme ils vont t'apprendre justement ou te préserver du shirk et du kufr? Non, ils peuvent pas se baser là-dessus. J'ai dit, regarde la preuve que les droits de l'homme, c'est pas suffisant pour nous guider. Vous avez toujours pas compris que Jésus, c'est un être humain. Et vous continuez à l'adorer, à le prier comme si c'était Dieu. Et à l'appeler fils de Dieu, ou à croire que c'est une trinité. Que Dieu est une trinité. Donc, ça veut dire que droit de l'homme, vos droits de l'homme, ils ont pas guidé l'humanité à comprendre la réalité du tawhid et la croyance en Allah de la manière qui est correcte. De même que les droits de l'homme n'ont pas enseigné non plus à l'humanité comment adorer Allah, comment le prier, comment être soumis à lui, et de le servir comme il nous a ordonné de le servir. Puisque parmi les gens qui, soi-disant, suivent les droits de l'homme, il y en a parmi eux qui adorent des statues, il y en a qui adorent des idoles, il y en a qui adorent le soleil ou d'autres choses, il y en a qui croient en rien, il y en a qui croient en Jésus, qui adorent Jésus comme si c'était un dieu, et également ils l'adorent de n'importe quelle façon, hein, de la façon qui lui plaît. Donc ça veut dire que les êtres humains, ils n'ont pas de guidance si on les laisse comme ça avec les droits de l'homme. Et puis, celui qui fait le bien et qui adore Allah, selon les droits de l'homme, il n'a pas plus de mérite que celui qui, hein, que celui qui l'adore pas. Pour eux, c'est la même chose. Les deux sont égales. Celui qui adore Allah, celui qui adore pas Allah, celui qui croit en Allah, celui qui croit pas en Allah, pour les droits de l'homme, il est égal. Ils sont les deux égales. Hein? Et pas seulement ça. Celui qui fait le zina, hein, ou qui est homosexuel, qui fait la sodomie, ou bien qui fait toutes sortes de choses, il est égal avec celui qui se préserve dans sa chasteté, qui limite ses parties, qui protège ses parties intimes de tomber dans la fornication ou dans l'adultère. Mais selon les droits de l'homme, ces deux personnes-là sont égales. Ouais, non, pour eux, c'est normal. Hein? Celui qui boit de l'alcool, il n'est pas blâmé dans les droits de l'homme, il est aussi, hein, aussi correct que celui qui... Donc c'est pour dire que les droits de l'homme, ils ont rien, ils ont pas guidé, ça n'a pas guidé l'humanité, ça n'a pas protégé l'humanité d'être dans l'égarement et à être sur un bon comportement et avoir des valeurs propres, hein, et à être sauvé de l'égarement. Non. La même chose avec la laïcité et donc toutes ces idéologies-là. Hein? Ouais, peut-être aussi c'est ça, mais en même temps, même quand tu dis ça, le grand H et le grand D ou quoi, ça c'est surtout en français. Hein? Parce que dans la Bible, c'est comme ça. Quand c'est le vrai Dieu, il marque avec un D majuscule. Puis quand c'est des faux dieux, il l'écrit avec un D minuscule. Mais en arabe, il n'y a pas de lettre majuscule ou minuscule. Et en hébreu non plus. Donc déjà, ça induit en erreur beaucoup de gens par rapport à beaucoup de choses. Mais comme tu dis, le grand H, quand ils ont écrit les droits de l'homme, au moment où ils ont écrit les droits de l'homme, il y avait comme si ils prenaient toujours les esclaves en Afrique. Il les amenait pour travailler en Amérique. Ça veut dire que pour eux, jusqu'à cette époque-là, c'était pas un esclavage comme les autres. L'esclavage a toujours existé dans l'humanité. Mais l'esclavage n'a jamais été spécifique à une origine, une ethnie ou une couleur. Mais eux, ils en ont fait quelque chose d'ethnique. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire en sorte que l'homme noir était systématiquement un esclave, et de penser que les noirs n'avaient pas d'âme, hein, et ainsi de suite, et d'en faire des esclaves de cette façon, yani c'était une grande injustice, mais c'est la preuve que pour eux l'homme noir n'était pas un être humain pour eux, puisque ils ont dit à ce moment, quand ils ont fait les droits de l'homme, que l'être humain l'être humain est né, et tous les hommes sont nés égaux, hein, soi-disant. Et puis même la femme aussi, ils se posaient la question, est-ce que la femme a une âme ou non, hein, ils n'étaient pas d'accord entre eux sur ça. Alors que tout ça, c'est des choses qui étaient claires dans le Coran et dans la Sunna depuis des siècles. Et eux, encore récemment, ils débattaient de ça en Europe. Donc c'est pour dire, quand quelqu'un n'a pas la religion de vérité, eh bien, ça l'amène à tomber dans l'extrémisme, dans l'exagération et dans l'injustice. Et le fait de vivre dans l'injustice, ça crée des réactions négatives. Hein? Les gens qui ont subi, qui ont été opprimés pendant des années, des années, des siècles même parfois, ils réagissent parfois d'une manière exagérée à la fin. Et ils tombent d'un extrême à l'autre extrême. Et c'est toujours comme ça, malheureusement, qu'on voit les gens réagir en Europe et en Amérique, en Occident en général. Pourquoi ? Parce qu'à cause de leur religion. Leur religion, elle n'est pas équilibrée. Et c'est pour ça que, hein, ils sont toujours dans des extrêmes, Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh, il explique ensuite, il dit... Il y a des gens aujourd'hui qui disent... Et ça, c'est une choubha, peut-être que vous l'avez déjà entendu. Il y a des gens qui disent, le kafir, on ne doit pas le détester pour sa personne, mais uniquement par rapport à sa religion seulement. Et le cheikh dit, ça c'est une parole qui est récente, qui est nouvelle, inventée, et qui contredit la parole d'Allah à propos d'Ibrahim alayhi salam, le Khalil, le bien-aimé d'Allah, et ceux qui ont cru avec lui parmi son peuple. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ses paroles, qu'est-ce qu'il a dit à son peuple dans le verset 4 dans surat Al-Mumtahana, lorsqu'il a dit, je me désavoue de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc ça c'est la preuve que il s'est désavoué non seulement de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah et de leur religion, mais il s'est également désavoué d'eux en tant que personne. Et ça, ça réfute les idées aussi de Tariq Ramadan qui disait une fois dans une de ses conférences, il dit, voici ma main. Vous pouvez pas dire qu'elle est bonne ou mauvaise. Il dit, si je vole, eh ben c'est pas, il essaie de dire comme ça en voulant dire, si je vole, c'est pas moi qu'il faut condamner, c'est le vol qu'il faut condamner, ou je sais pas, quelque chose comme ça, ou en voulant dire c'est le crime qui est mauvais, mais c'est pas la personne qui est mauvaise elle-même. Il faut condamner le crime de la personne, il faut détester l'action de la personne, mais pas la personne elle-même, faut pas la condamner. Et quand tu réfléchis bien à ça, tu te dis, dans ce cas-là, quand on va attraper le voleur, est-ce qu'on va punir le vol ou on va punir le voleur? Est-ce qu'on va mettre le vol en prison et on va laisser le voleur à l'extérieur? Mais non, on va mettre en prison le voleur, pas le vol. Le vol, c'est une idée abstraite, c'est quelque chose, c'est un acte. C'est un crime. Donc le crime, c'est pas quelque chose qu'on peut attraper. Si on pouvait attraper le vol puis le mettre en prison, il y aurait plus de vol après. Mais les voleurs, il y en a beaucoup. On peut toujours les attraper. Et l'expression exacte là, qu'est-ce qu'il a dit, je vous la ramènerai. Mais c'est pour dire, il est comme s'il dit que il faut pas condamner la personne, il faut condamner l'acte. Ou le crime. Et le cheikh, il explique, il dit non, ça c'est pas correct. C'est pas juste l'acte de la personne, la religion de la personne qu'il faut condamner, mais c'est aussi sa personne elle-même. C'est pour ça que des fois dans ses conférences, il disait, moi j'ai rien contre la croyance juive en tant que croyance, je la défends. Mais comme si en voulant dire, il dit, je suis pas contraire à la religion juive ou la croyance juive. Il dit, je suis contre l'injustice des juifs qui des zionistes ou je sais pas quoi. Subhanallah, la croyance juive, c'est une croyance de kofre. Parce que la croyance juive, ça veut dire ne pas croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne pas croire en Isa alayhi salam, ne pas croire en Al-Injil, ne pas croire en Al-Qur'an, ça c'est du kofre. Donc comment tu peux dire je défends la croyance juive ou je suis d'accord avec la croyance juive, je critique, je suis, donc lui est allé plus loin encore, parce que le cheikh il mentionne ceux qui disent on condamne la religion pas la personne, et lui il va plus loin que ça, il dit faut pas condamner ni la personne ni la religion. Et ça c'est grave, c'est des égarements graves. Mais bon, ça c'est juste pour donner un exemple que j'ai cité cette personne, mais sinon il y a beaucoup d'autres également qui ont ces idées-là qui essaient de les propager parmi les musulmans. Et ces idéologies-là sont en contradiction directe avec les enseignements du Coran et de la Sunna. Et comme j'ai mentionné l'exemple de Al-Khalil, Ibrahim alayhi salam, comment il a dit Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al'adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Donc quand tu lis le verset au complet, tu vois, c'est clair. Hein? Il dit, je me désavoue de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions, et entre vous et nous, l'animosité et la haine est établie jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul, hein, et que vous rejetiez ce qui est adoré en dehors d'Allah, et que vous acceptiez le tawhid. Donc tu vois que l'affaire est claire, hein. Ensuite, le cheikh dit, ثم قال, hein, il dit, ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم. قال الله تعالى, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وقال في الصحيحين عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قائل ومن هم يا رسول الله قال قال قائل ومن هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي رضي الله عنه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. Donc le cheikh il explique que Ibn Taymiyyah il dit la glorification a été mentionnée dans le Coran et dans la Sunna de certains noms arabes, aussi. Et il mentionne les versets 2 et 3 dans Surat al-Jumu'ah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui, il dit ce qui signifie, c'est lui qui a envoyé parmi les Ummiyyin, les illettrés, un messager de parmi eux qui leur récite ces versets et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse, même s'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Et d'autres, hein, parmi eux qui ne les ont pas encore rejoints. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et celui le sage et le puissant et le sage, hein, le tout puissant et le sage. Et il est rapporté à propos de ce verset dans Al-Bukhari et Muslim, hein, selon Abi al-Ghayth, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, qu'il a dit, nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque cette sourate a été révélée, sourate al-Jumu'ah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit dedans, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, hein, et d'autres également parmi eux qui ne sont pas encore qui ne les ont pas encore rejoints, hein. Et quelqu'un a posé la question au messager d'Allah, de qui s'agit-il, ceux qui ne les ont pas encore rejoints, c'est de qui s'agit-il? Et la personne a posé la question trois fois au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu et parmi nous il y avait Salman al-Farisi. Et Salman il est perse, il vient de l'Iran. Aujourd'hui on appelle l'Iran, mais c'est la région qu'on appelle c'est l'empire perse à l'époque, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main sur Salman al-Farisi et il a dit, si la foi était, hein, dans le ciel, si la foi était dans le ciel, dans là où il y a l'étoile qu'on appelle Thuriya, si la foi était dans cette étoile dans le ciel, eh bien un d'entre ces hommes-là l'aurait atteint, c'est-à-dire, hein, un d'entre les Perses, en parlant des Perses. Donc ça c'était une glorification, yani, de ceux qui acceptent la foi parmi les gens qui ne sont pas arabes, hein, et qui n'avaient pas encore accepté l'islam, parce que par la suite, hein, les Perses en grande majorité, ils ont accepté l'islam par la suite. Et le cheikh dit « وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْعِبْرَةُ بِالْجِنْسِ لَا بِالْأَفْرَادِ فَإِذَا قُلْنَا إِنَّ جِنْسَ الْعَرَبِي أَفْضَلُ مِنَ الْجِنْسِ الْعَجَمِي وَإِنَّ جِنْسَ السُّكَّانَ الْحَاضِرَةِ أَفْضَلُ مِنْ جِنْسِ سُكَّانَ الْبَادِيَةِ فَلَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي أَفْرَادِ تِلْكَ الْجِهَاتِ خَيْرٌ كَثِيرٌ فَالْعِبْرَةُ إِنَّمَا هِيَ بِالْعُمُومِ وَلَيْسَتْ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَفْرَادِ فَإِنَّ الْعَرَبَ أَفْضَلُ مِنَ الْعَجَمِ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسِ وَلَكِنْ مِنْ حَيْثُ الْأَفْرَادِ فَإِنَّهُ يُوجَدُ فِي أَفْرَادِ الْعَجَمِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْعَرَبِ ومثل سلمان الفارسي رضي الله عنه ففي هذا الحديث لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله يعني وآخرين منهم لما يلحقوا بهم أي في العرب وهم الأميون لأنهم ليس لهم كتاب فسموا بالأميين لأنهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون فالله فضلهم ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبتعليمهم حتى صاروا علماء بعد أن كانوا أميين ولكن لا يفهم من هذا أنهم أفضل مطلقا من العجم فقد يوجد في العجم من يمن الله عليه بالإيمان والعلم فيصير له من الفضل أكثر من كثير من العرب وعلى هذا جاء قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ولما سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرر عليه السؤال أشار إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء أي من أهل فارس كما جاء في رواية. Donc le cheikh il explique que on peut donc comprendre que qu'est-ce qui l'important c'est disons l'ethnie en général et non les individus qui la composent. Et donc quand il dit que si on dit que l'ethnie des Arabes est meilleure que l'ethnie des non-Arabes, eh bien, ou bien si on dit les gens qui l'ethnie des gens qui vivent dans les villes est meilleure que le fait que par exemple le groupe de la catégorie de personnes qui vivent dans le désert, comme les Bédouins par exemple, eh bien ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parmi les individus qui composent ces groupes humains-là, certains d'entre les individus de ces groupes-là qui sont meilleurs que beaucoup d'entre les groupes qu'on considère comme étant meilleurs. Parce que quand on parle de cette façon-là, c'est on parle de façon générale. Donc si on dit par exemple les Arabes sont meilleurs que les non-Arabes, il dit ça c'est seulement de façon générale. Parce que parmi les non-Arabes, il peut y avoir des individus qui sont meilleurs que beaucoup d'entre les Arabes. Et Cheikh Ibn Baz, il avait mentionné la même chose par rapport à la supériorité des hommes par rapport aux femmes. Quand il a dit de façon générale, on ne dit pas que les hommes et les femmes sont égaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a préféré et donné la supériorité aux hommes sur les femmes. Sauf que ça ne veut pas dire que parmi les femmes, il n'y en a pas qui sont meilleurs que beaucoup d'entre les hommes. Donc ça c'est la règle générale, sauf qu'il y a des exceptions, c'est ça que ça veut dire. Comme par exemple parmi les femmes, Maryam, Aïcha, radiyallahu anhuma, donc elles sont meilleures que beaucoup d'entre les hommes. Et la plupart des hommes ne peuvent pas atteindre peut-être leur degré de piété et de science, tu vois. Donc ça c'est un exemple. Et la même chose aussi par rapport à des exemples comme ça, ceux qui sont les Bédouins qui vivent dans le désert et les gens qui vivent dans la ville. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens qui vivent dans la ville sont meilleurs que ceux que les Bédouins par exemple. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les Bédouins ils ont des caractéristiques qui sont mauvaises. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas parmi eux qui sont croyants et qui ont des bonnes caractéristiques aussi. D'accord, mais on parle de façon générale. Al-ibra bil-umum. On regarde en général, et non pas les individus ici. Et donc, quand il dit, si on dit que les Arabes sont meilleurs que les non-Arabes, c'est uniquement par rapport à ce groupe humain-là, mais pas par rapport aux individus, parce que, comme on a dit, il est possible que certains individus parmi les non-Arabes soient meilleurs que beaucoup d'entre les Arabes, comme Salman al-Farisi, par exemple. Lorsque le hadith mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation du verset 3 dans surat al-Jumu'ah, وآخرين منهم لما يلحقوا بهم et d'autres parmi eux qui ne les ont pas encore rejoints c'est-à-dire parmi les Arabes qui ne les ont pas encore rejoints qui n'ont pas encore rejoint les croyants parmi les Arabes les Umiyyin et on les appelle Umiyyin et les illettrés pourquoi parce qu'ils n'ont pas reçu de livre auparavant contrairement aux Juifs contrairement aux chrétiens qui ont reçu des livres eh bien eux, ils n'avaient pas reçu de livres, les Arabes. Alors, on les appelait les illettrés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'écrivaient pas et ils ne lisaient pas et ils n'écrivaient pas. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, les a favorisés en envoyant parmi eux le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour leur enseigner. D'accord ? Donc, ça, c'était un signe de que Allah subhanahu wa ta'ala les a préférés, les a favorisés. D'accord? Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, il a été envoyé pour tous les peuples. Hein? Mais il a été envoyé en premier à son peuple, à lui. D'accord? Et quand j'ai dit tout à l'heure que les hommes en général sont supérieurs aux femmes, et il y a des preuves dans le Coran à ce sujet-là. Les preuves à ce sujet-là, c'est dans le verset dans surat al-Nisa, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit yani ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd. Bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd. Wa bima anfaqu min amwalihim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, c'est-à-dire les hommes sont les responsables des femmes, c'est eux les dirigeants sur les femmes. À cause de que Allah a favorisé ou a préféré les uns sur les autres, c'est-à-dire il a préféré les hommes sur les femmes et à cause du fait qu'ils dépensent de leurs biens. Donc c'est pas seulement parce qu'ils dépensent de leurs biens, mais c'est aussi parce que Allah les a préférés sur elle. Et dans un autre verset, dans surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةِ, c'est-à-dire et les hommes ont un degré de supériorité sur elle. D'accord? Donc ça fait partie des exemples des versets qui indiquent que Allah subhanahu wa ta'ala a préféré le genre masculin sur le genre féminin. Et aussi le fait que tous les messagers, les prophètes, ont été des hommes. Allah n'a pas envoyé de prophète femme. Hein? Et plein d'autres exemples comme ça aussi. Et la raison quand on dit que l'homme, Allah l'a préféré sur la femme, ce n'est pas dans le but de dénigrer la femme. Non, au contraire. C'est dans le but de faire comprendre que l'homme, il a une grande responsabilité vis-à-vis de la femme. Et c'est lui qui va être, c'est à lui que Allah a donné, c'est-à-dire c'est à l'homme que Allah a donné la charge et la responsabilité de s'occuper de la femme et de la protéger et de la défendre et de l'enseigner, de l'éduquer et ainsi de suite. Donc, c'est plus dans le sens, c'est dans le sens de la responsabilité. Surtout qu'il faut voir ça aussi. Ça c'est un point que je voulais clarifier parce que des fois pour certains c'est pas clair et même pour certaines sœurs parfois parce qu'il y a des sœurs qui malheureusement ont été influencées par des idées féministes parfois et elles essaient parfois d'interpréter la religion à la lumière des idéologies féministes. Et il y a même des mouvements qui sont poussés là, par les kuffars pour inciter à ça et appeler à ça. Même que certains ils appellent à ce que la femme soit imam et des trucs comme ça. Ça fait partie des innovations là qu'ils essaient de propager. Donc tout ça pour dire que yani, ça c'est il faut comprendre bien ces notions là. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé les Arabes en envoyant parmi eux le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'ils deviennent des savants, alors qu'ils étaient auparavant des illettrés, des gens qui n'avaient pas de culture écrite, hein, ou de ils n'avaient pas de tradition écrite. Et il dit qu'on ne doit pas comprendre de cela que les Arabes sont meilleurs de façon absolue sur les non-Arabes, puisque il existe parmi les non-Arabes ceux à qui Allah a fait la faveur de leur donner la foi et la science, et ils sont donc devenus yani meilleurs et ont donc obtenu plus de mérite que beaucoup d'entre les Arabes. Et donc quand il dit, et d'autres encore qui ne les ont pas encore rejoints, hein, parmi les non-Arabes, hein, et parmi les autres peuples, il a indiqué justement par rapport à ça, lorsqu'il a été questionné de qui s'agit-il au messager d'Allah, ceux qui ne les ont pas encore rejoints, et on a répété la question jusqu'à ce qu'il pointe vers Salman al-Farisi, hein, Salman qui était d'origine perse. Et il a dit dans le hadith, si la foi était dans l'étoile Thuraya, eh bien des hommes parmi les Perses l'auraient obtenu ou l'auraient atteint. Et ça c'est une indication pour dire que parmi l'exemple de ceux qui ne les ont pas encore rejoints, c'est les Perses. Et donc il dit, وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْأَفْضَلِيَّةِ لَيْسَتْ حَكْرًا عَلَىٰ جِنْسِ وَإِنَّمَا هِيَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ مُجَرَّدَ الْعُرُوبَةِ لَا تَقْتَضِي الْفَضْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ وَلَكِنْ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعُرُوبَةِ وَالْإِيمَانِ فَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ أَفْضَلُ أَمَّا إِذَا انْفَرَدَتِ الْعُرُوبَةِ عَنِ الْإِيمَانِ فَلَا خَيْرَ فِيهَا. Donc le cheikh il dit, bon, par rapport à ça c'est important. Maintenant on dit aujourd'hui l'Iran, à cause de la religion qui a été déformée là-bas, à cause des Shia, des Rafida, comment ils ont déformé les enseignements de la religion, les gens ont une mauvaise, on a maintenant une mauvaise façon de voir la Perse, hein, ou les Perses, les gens de culture perse. Mais il faut savoir que déjà à la base, à l'origine, ces gens-là, ils ont accepté l'islam, hein, au début, et au début, ils n'étaient pas sur la voie des Rafida. Hein. Beaucoup des grands imams de la Sunna viennent de la région de la Perse. Hein. Beaucoup d'entre les grands imams, ils viennent de cette région-là. L'imam musulman, hein, il vient de Tashkent. Oui, et d'autres parmi eux qui viennent de Neysabour, d'autres qui viennent de Aspahan, et d'autres qui viennent de... Il y en a beaucoup des grands imams de l'islam, Al-Aspahani, Al-Sijistani, donc beaucoup d'entre les grands savants de hadith et les grands imams de la sunna, ils viennent tous de ces régions-là. Bon, il y a encore des gens de Ahl sunna en Iran, mais c'est sûr qu'ils sont minoritaires et en même temps ils sont opprimés malheureusement. Donc c'est pour dire que c'est triste, mais quand même il faut comprendre une chose, c'est que la propagation de la voie des Rafida dans ces régions là elle a été progressive, c'était pas d'un seul coup. Et donc c'est pour ça, tu vois, que si tu discute avec des Perses, tu vois leur tempérament et leur personnalité, c'est des gens qui sont doux, des gens qui sont très gentils, hein, mais c'est juste parce qu'ils ont été induits en erreur par leurs imams, par leurs chouyours, hein, parmi les Rafida, hein. Et donc on espère que Allah subhanahu wa ta'ala les guide à la sunna et leur fasse connaître la réalité de la sunna et l'amour des sahaba, parce que franchement de voir ces gens-là insulter les Sahaba et dénigrer Abu Bakr et Omar et insulter Aïcha radiallahu anha, ça c'est quand même quelque chose de grave. Et eux, ils ne réalisent pas à quel point, parce qu'ils pensent que les Sahaba avaient des conflits entre eux et qu'ils se détestaient par rapport à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est un grand mensonge, parce qu'au contraire, les Sahaba, ils aimaient la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils aimaient Ali radiallahu anhu et Fatima et Al-Hassan ou Al-Hussein et les autres membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les aimaient. Et eux, en retour, ils aimaient aussi le reste des Sahaba. Il n'y avait pas d'animosité ou de haine entre eux. Ça, c'est les Shia qui ont inventé ça, hein, pour créer cette division-là et pour diviser la Umma. Donc ça c'est très important à comprendre. Et le cheikh il dit ensuite donc que on peut pas prétendre que une ethnie a le monopole ou bien peut s'accaparer à elle seule de tout le mérite, hein, et de prétendre que ils sont meilleurs que tous les autres. Hein. Il dit non, ça c'est pas possible. Ça, c'est uniquement c'est le bien qui vient d'Allah et la grâce qui vient d'Allah, il la donne à qui il veut. Et le fait d'être arabe à lui seul, ce n'est pas suffisant comme un mérite sur tous les plans. Il dit, si c'est l'arabité mélangée avec la foi, hein, ça, il dit, il n'y a pas de doute que c'est meilleur. Mais il dit, par contre, si l'arabité, elle est séparée de la foi, alors il n'y a aucun bien dedans. Alors il n'y a aucun bien dedans. C'est-à-dire si c'était juste le fait de vouloir être arabe, juste le fait de vouloir être arabe, puis après tu dis parce que je suis arabe je suis meilleur que les autres peuples, non, ça c'est pas vrai. Si t'es pas croyant, et le fait que tu sois arabe ça n'a aucun mérite, il n'y a aucun mérite là-dedans. Et les ulama ils considèrent à la base que le fait d'être arabe c'est de parler l'arabe. Hein, beaucoup de musulmans, beaucoup de ulama parmi les musulmans, ils ont expliqué ça. Que d'être arabe, ça a rapport avec le fait de parler l'arabe. Et que celui qui parle arabe est un arabe. Hein, même si d'origine il est d'ailleurs. Le cheikh dit « وَكَذَلِكَ لَا يُذَمُّ الْعَجَمْ لِعُجْمَتِهِمْ وَإِنَّمَا يُذَمُّونَ لِمِلَّتِهِمْ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ فَإِذَا أَسْلَمُوا وحسن إسلامهم وتعلموا زال عنهم هذا الذم وصاروا من خيار الناس كما حصل لكثير منهم فقد وجد في العجم من الأئمة في الحديث والتفسير والفقه واللغة العربية من هو خير من كثير من العرب وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء فالفضل يدور مع الإيمان حيث دار وأين أنت من البخاري إمام المحدثين وغيره من أئمة الحديث الذين هم من العجم وهذا الدين هذا العلم ليس حكرا على جنس لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للعرب والعجم والجن والإنس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Donc le cheikh il explique, il dit que de même qu'on ne peut pas blâmer un peuple qui est non arabe uniquement parce qu'ils ne sont pas arabes, hein, mais on les blâmera uniquement par rapport à leur religion et la religion qu'ils suivent. Et s'ils se convertissent à l'islam et qu'ils deviennent, hein, avec un bon ils pratiquent bien l'islam et qu'ils apprennent la religion, eh bien ce blâme-là leur sera retiré et ils deviennent parmi les meilleurs parmi les hommes. Hein? Et ça c'est arrivé à plusieurs d'entre eux. Il dit, hein, on a retrouvé parmi les non-arabes des grands imams dans la science de l'islam, parmi les savants de hadith, les savants de tafsir, hein, les savants de fiqh, les savants de la langue arabe, hein, qui sont meilleurs que beaucoup d'entre les arabes. Hein? Et ça c'est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Vous savez, un des plus grands savants de la langue arabe, c'est qui? Hein? Sibawayh. Sibawayh. Il est même pas arabe. Tout le monde se réfère à Sibawayh. Tous les Arabes, quand ils disent, quand ils veulent donner l'exemple de quelqu'un qui est fort en arabe, ils disent, ah lui, c'est, il est comme Sibawayh. Hein? Sibouya, ou bien Sibawayh. Regardez, c'est des noms perses, ça. Hein? Le cheikh, il donne l'exemple, il dit également, où est-ce que tu es par rapport à l'imam al-Bukhari, le savant des muhaddithines, imam al-muhaddithine, l'imam parmi les imams du hadith, l'imam al-Bukhari, il n'était pas arabe. Hein? Il n'était pas arabe. On dit, il s'appelle, et l'imam al-Bukhari, son nom c'est quoi? C'est Muhammad ibn Ibrahim, ibn Ismail, ibn al-Mughira, ibn Bardizbah. Ibn Bardizbah. Son arrière-grand-père, il est un nom perse, pas musulman. Bardizbah. Muhammad ibn Ibrahim ibn Ismail, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Naysaburi al-Bukhari. Vous savez c'est où Bukhara? C'est dans le sud de l'ex-URSS, à la hauteur de la Perse là, dans ce coin là, en haut, au nord de la Perse. Hein? C'est là Bukhara. D'ailleurs, c'est pas des régions, c'est pas des Arabes dans ces régions-là. Hein? Bukhara. C'est dans les coins comme Ouzbékistan, Tadjikistan ou des trucs comme ça. Hein? Oui, Kyrgyzstan ou des choses comme ça. C'est dans ces régions-là que viennent, c'est de ces régions-là que viennent l'imam al-Bukhari. Hein? Ibn Bardizbah. Hein? Donc les gens aujourd'hui, tu vois, ils ont des noms comme ça. Mais quand on est converti, c'est normal. C'est normal qu'on a des noms étrangers qui ne sont pas des noms arabes. Donc le cheikh, il dit, hein, et bon, sans parler de Bilal, Al-Habashi, ou Suhayb al-Rumi, et sans parler d'autres également parmi les sahabas qui n'étaient pas arabes. Hein? Et certains parmi les plus grands savants de l'islam qui étaient des esclaves libérés par les sahaba, hein? Ils n'étaient pas d'origine, peut-être certains parmi eux ne sont pas d'origine arabe, mais parce qu'ils ont été mu'minis, ils ont été croyants, ils ont côtoyé les plus savants, ils sont devenus des savants, les autres aussi, hein? Subhanallah. Donc ensuite le cheikh il dit la science, elle n'est pas, c'est pas quelque chose qui est le. Wa alaykoum salam. La science, c'est pas quelque chose qui est le monopole d'une ethnie ou d'un groupe, hein, qui vont dire nous on est les détenteurs de la science, hein, par excellence. Non, il dit parce que le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un message qui était général pour tous les êtres humains, même les djinns. Donc c'est pas seulement pour les Arabes, c'est pour les Arabes et pour les non-Arabes et même pour les djinns. Subhanallah. Hein? Pour les djinns et les êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le verset dit au Muhammad, je suis, ô vous les hommes, c'est-à-dire tous les hommes, sans exception, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Inni rasulullahi ilaykum jami'an. Et jami'an, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous. Hein? Il n'y a pas d'exception. Et il dit ensuite, « وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمْ عَنْ يَزِيدِ بْنُ الْأَصَمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَوْ كَانَ الدِّينَ عِنْدَ الثُّرَيَّةِ لَذَهَبَ بِهِ رِجَالٌ مِنْ فَارِسٍ أو قَالَ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسٍ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ وفي رواية ثالثة لو كان العلم عند الثريا لتناله رجال من أبناء فارس. Hein? Donc dans cette narration rapportée par l'imam Muslim, hein, selon Yazid ibn al-Asam, selon Abi Huraira, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit si la religion était dans l'étoile de Thuraya, eh bien, il y aurait des hommes des Perses, hein, ou des fils de la Perse qui seraient partis pour l'atteindre. C'est-à-dire, ils sont tellement avides de vouloir la religion, la vérité, qu'ils auraient été même jusque dans les étoiles pour l'attraper. Hein. Et dans une autre narration, si la science était dans l'étoile de Thoreia, eh bien, des gens parmi les fils de la Perse seraient partis pour l'atteindre. Il dit, وَهَذَا Cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith-là, il dit, وَقَدْ ظَهَرَ مِصْدَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ الشَّرِيفِ فِي أَوْقَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مَدَى الْعُصُورِ فَقَدْ وُجِدَ فِي أَهْلِ فَارِسِ رِجَالٌ بَرَزُوا فِي الْإِيمَانِ وَفِي الْعِلْمِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ كُتُبِ التَّرَاجُمْ وَالتَّارِيخِ وَمِنْ آثَارِهِمُ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي خَلَّفُوهَا فَهَا هُوَ السِّبَوِي يبرز في اللغة العربية وهو رجل أعجمي وهذا أبو حنيفة رحمه الله أول الأئمة الأربعة وكان أعجميا فارسيا وهذا الإمام البخاري في الحديث وغيرهم الكثير في شتى المجالات فهذا مصداق لقوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم لقوله صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا يعني في السماء لناله رجال من أهل فارس يعني بجدهم واجتهادهم وإيمانهم ولم يضرهم كونهم من العجم والأصل في هذا قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى كلهم لآدم وآدم من تراب. Donc le cheikh il dit, on voit la véracité de ce hadith dans plusieurs époques, hein, lorsque on a vu parmi les gens de la Perse des hommes de foi et de science qui ont dépassé, qui ont excellé et qui ont laissé paraître leur excellence dans la science, et on retrouve leur mention dans les livres des biographies des savants et les traces de science qu'ils ont laissées. Hein. Donc, ils donnent par exemple Sibawai. Donc, je vous parlais de Sibawai tout à l'heure. Hein. Quand les gens ils veulent donner des exemples de grammaire arabe, hein, ils disent... Hein, toi, t'es comme Sibawai, hein, ou bien quelqu'un, il parle de Sibawai. Pourquoi Sibawai, il le mentionne comme ça? Parce que c'est lui qui a, disons, établi les règles de la grammaire arabe. C'est lui qui a écrit le livre de la grammaire arabe, justement, qui est une référence pour tous ceux qui sont venus après lui. Hein, et pourtant, il n'est pas arabe. Il est perse. Hein, il n'est pas arabe. Subhanallah. Et Abu Hanifa, Cheikh, il dit, c'est le premier parmi les quatre imams des madhahib, ceux à qui on a attribué un madhab. Et c'est un nom arabe perse. De même que l'imam al-Bukhari, comme je vous ai dit tout à l'heure, il vient de Bukhara. Muhammad ibn Ismail, ibn Ibrahim, ibn al-Mughira, ibn Bardizbah. Bardizbah, c'est ça le nom de son arrière-grand-père. Hein? Al-Bukhari. Il y en a beaucoup comme ça, Al-Ju'fi, Al-Bukhari, Al-Ju'fi. Il y en a beaucoup qui sont Naysaburi, d'autres Aspahani, d'autres Razi, d'autres. Il y en a toutes ces villes-là, c'est des villes, si vous regardez sur la carte géographique, à quel endroit se situent ces villes, vous voyez que ces villes-là, elles se situent en Perse. Ou bien dans des régions comme ça, dans le Kazakhstan, Ouzbékistan, en Afghanistan, ou bien dans des coins de ces régions-là. Oui, c'est pas des Arabes, eux. C'était pas des Arabes, mais pourtant c'est des savants, des grands savants de l'islam. Et dans beaucoup d'autres sciences aussi, on a vu des grands savants de ces différents peuples-là. Et ça, c'est qu'est-ce qui vient confirmer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim » Et d'autres également qui ne les ont pas encore rejoints. hein, qui ne les ont pas encore rejoints parmi les gens de la foi. Et c'est ce qui vient aussi confirmer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si la foi était dans le ciel, hein, dans les étoiles, hein, comme à Suraya, eh bien, des hommes parmi les gens de Perse l'auraient atteint. Ils seraient partis jusque là-bas pour la chercher. Donc, pourquoi? À cause de leur sérieux, à cause de leur détermination, à cause de leur effort, à cause de leur foi. Et le fait qu'ils soient des non-arabes, ça ne leur a fait aucun tort. Ça ne leur a fait aucun tort. Pourquoi? Parce que la base, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous pour Allah, c'est le plus pieux. Et comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe. Hein, l'arabe, il n'a pas de mérite sur le non-arabe. Et le blanc, il n'a pas de mérite sur le noir, excepté par la piété, at-taqwa. Et donc, il dit, vous êtes tous de Adam, vous venez tous de Adam, et Adam vient de la terre. Donc, peu importe. Tu dis, moi je suis arabe, moi je suis amazigh, moi je suis français, moi je suis italien, moi je suis chinois. Vous êtes tous de Adam. Et Adam, il vient de la terre. Est-ce qu'il y a une terre meilleure que notre terre? Hein? C'est ça qu'un cheikh, il a dit. Il a dit, vous êtes d'origine de l'or et eux, et les autres sont de la boue. Non, vous êtes tous de la terre. Hein? Donc, on est tous de la même matière à la base. Donc, il ne faut pas qu'une partie se pense meilleure que l'autre. إذ ثم إن في قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم دليل على أن الله يحفظ هذا الدين ويهيئ له من يقوم به على مر العصور ومن شتى الأجناس فإذا تولى عنه قوم من العرب فقد ييسر الله قوما آخرين من العجم لأن هذا الدين ليس للعرب وحدهم وإنما هو للبشرية كلها فإذا أعرض عنه قوم فإن الله يقيد له قوما آخرين إلى أن تقوم الساعة بل ورد أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 38 dans surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie, et si vous vous détournez, Allah va vous échanger pour un autre peuple, et un autre peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. Ça veut dire que si vous n'êtes pas à la hauteur des principes de la religion de l'islam, et que vous ne les appliquez pas, et que vous ne les suivez pas comme il faut, et que vous ne les propagez pas comme il se doit, eh bien Allah il va faire qu'un autre peuple vienne, qui ne seront pas comme vous, et qui vont propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça c'est la preuve que Allah c'est lui qui préserve sa religion. Et il fait en sorte qu'il y ait des gens à travers les siècles qui défendent sa religion et qui la supportent. De n'importe quelle origine, de n'importe quelle ethnie, de n'importe quel peuple. Il dit, si les Arabes se détournent de la religion, Allah il va faciliter qu'un autre peuple vienne parmi les non-Arabes qui vont supporter la religion de l'islam. Il dit, parce que la religion, ce n'est pas la religion des Arabes seulement. Hein? C'est une religion pour toute l'humanité. On a vu par exemple les Turcs, regardez les Turcs. Hein? Dans les derniers siècles, c'est eux qui ont supporté l'islam. C'est eux qui ont propagé l'islam dans le monde. Hein? Pourquoi? Parce que, comme Allah il le dit, si vous vous détournez, il va ramener un autre peuple. C'est comme ça. Donc, si un peuple il se détourne, eh bien Allah il amène un autre peuple pour prendre cette religion, pour la supporter puis la propager. Hein? Et donc il dit, فَإِنَّ اللَّهَ يُقَيِّدُ لَهُ قَوْمًا آخَرِينَ. Donc, s'il y a des gens qui se détournent de la religion, même nous aujourd'hui, si on se détourne aujourd'hui de la religion, Allah il va ramener un autre peuple meilleur que nous pour nous remplacer. Il n'a pas besoin de nous. Hein? Si on n'est pas à la hauteur et on ne fait pas ce qu'on est supposé faire et on ne propage pas la religion d'Allah, Allah il va nous remplacer par un autre peuple. Hein? Et qui vont établir la religion. Et ça va être comme ça tout le temps, jusqu'à la fin des temps. Et il est même mentionné que dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, que Allah il va même faire en sorte que la religion soit supportée même par un homme qui est pécheur, même par un homme qui est pervers, même un kafir parfois il va défendre l'islam. Hein? C'est arrivé déjà. Hein? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand il revenait de Taif, il voulait rentrer à Mecca et il avait besoin d'un protecteur pour rentrer à Mecca. Et c'est un homme parmi les mouchriquins qui lui a donné sa protection. Donc c'était pour dire, même parfois un mouchriq ou un kafir, il va défendre la religion. Il va défendre Abu Talib, c'était pas un musulman, c'était un mouchriq. Et pourtant il a défendu, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les mouchriquins. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui protège sa religion et il utilise qui il veut pour protéger sa religion, même parfois des kuffars et des ennemis de la religion. Hein? Il dit, وَهَذَا الدِّينَ مَحْفُوظٌ بِحِفْظِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا يَضُرُّهُ تَخَلُّفُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ بَلْ بِهِ يَنْتَفِعُ النَّاسِ جَمِيعًا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ويغلبه شيء لا يغلبه شيء ولا يرد حكمه ولا يرد حكمه راد. قال بعض خلفاء بني أمية لما ذكر له العلماء الذين سادوا العرب والبلاد فقال هل هم من العرب أو الموالي؟ قالوا من الموالي. قال إن هذا العلم من اتصف به ساد. وقد ذكر الشيخ جملة منهم فيما يأتي. Donc le cheikh il dit que cette religion elle est préservée par la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y a rien qui peut lui faire du tort. Hein? Même si les gens d'une époque ou d'une région ou d'un peuple, d'une ethnie délaissent, hein, la religion, hein? Supposons que les gens d'un pays tout entier, ils abandonnent l'islam demain. Ça ne va pas faire reculer la religion d'Allah et ça ne va pas affaiblir la religion d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir d'autres peuples qui vont venir accepter l'islam et défendre la religion de l'islam. Hein? Et il cite le verset 21 dans Surat Yusuf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et Allah a le dessus sur les affaires. Hein? »« Wallahu ghalibun ala » Amrihi, comment je vais traduire ça? Je vais regarder comment ça a été traduit. Dans Surat Yusuf, le verset 21, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et Allah est souverain en son commandement. Yani ghalib, c'est-à-dire c'est lui qui a le dessus, c'est lui qui gagne, c'est lui qui a la victoire, hein, en son commandement. Mais la plupart des gens ne savent pas. Il fait ce qu'il veut et il n'y a rien qui peut avoir le dessus sur lui. Ou qui peut, il n'y a rien qui peut refuser ou rejeter son jugement et son commandement. Et il mentionne un exemple parmi les khulafas de Bani Umayya, hein, lorsque certains parmi les ulamas, hein, parmi les gens qui étaient considérés comme des ulama dans les différents pays, hein, on lui a mentionné ces ulama là. Et lui, ce khalifa, il a demandé, est-ce qu'ils sont parmi les Arabes ou ils sont parmi les esclaves ou bien les descendants des esclaves, par exemple? Et ils ont dit non, ce sont des descendants des esclaves. Hein? Ou bien les esclaves qui ont été libérés. Eh bien, ou bien al-mawali, ça peut être aussi ceux qui font partie des différents peuples qui ont été conquis par les musulmans et donc on les a appelés mawali, hein. Et sont des noms arabes. Alors le khalife a demandé, est-ce qu'ils sont des arabes ou ils sont des mawali? Et on lui a répondu, ils sont des mawali. Alors le khalife, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, cette science, quiconque l'a comme caractéristique, c'est-à-dire il a acquis cette science-là, eh bien, il va être parmi les gens qui ont l'autorité ou le pouvoir. C'est eux qui vont diriger, ou c'est eux qui vont être à la tête, s'ils ont la science. Peu importe l'origine qu'ils sont. Man ittasafa bihi sada. Sada, ça veut dire il va être à la tête, c'est lui qui va guider. Et donc, il dit que le cheikh, il a mentionné par la suite, il va mentionner certains d'entre eux. Il va mentionner certains d'entre eux, c'est-à-dire certains parmi les noms arabes qui ont justement fait beaucoup d'exemples comme ça, de bonnes choses. Il va mentionner différents exemples. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera au prochain cours. Inch'Allah. C'est vraiment intéressant ces sujets-là parce que ça touche des choses qui nous touchent réellement bien. Ouais, ça a un rapport avec nous, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, des trucs comme ça, là. Oui, c'est vrai. C'est important de connaître. Le musulman, il doit se sentir concerné par l'histoire et par ces choses-là pour connaître. On dit, if you don't know your past, you don't know your future. Si tu connais pas ton passé, tu peux pas connaître ton avenir. Et puis, quand tu regardes pourtant, beaucoup de musulmans, ils ignorent l'histoire. Ils connaissent pas l'histoire. Si tu lui demandes l'histoire, même des pays musulmans, là, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers siècles ou les siècles précédents, les trucs comme ça, ils savent pas. Non, mais même l'histoire, c'est-à-dire il y a des choses, subhanallah, des jeunes là, ils ont aucun intérêt, aucune importance, ils donnent aucune importance à l'histoire. Je parlais avec des jeunes de l'Algérie. Je leur posais des questions. Est-ce qu'ils savaient des choses sur la colonisation, sur l'occupation française, des choses comme ça? Ils savent rien. Ils savent pas. C'est comme pour eux, c'est des histoires de l'ancien temps. C'est comme ça. Ouais, c'est vrai, mais en même temps aussi, Wadiya, subhanallah, c'est comme si on dirait qu'ils connaissent pas les bibliothèques. Il y a des livres qui ont été écrits sur l'histoire, mais ils vont pas faire l'effort pour essayer d'aller chercher des livres, pour essayer de lire, pour apprendre. Ouais. Sahih. C'est vrai, t'as raison. Oui, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, comme tu dis, Allah Mustaan. Oui, non, c'est ça. C'est sahih. Mais il y a tellement de choses intéressantes et bénéfiques à comprendre lorsque tu connais ta religion en premier, puis que après tu fais le lien entre ça et l'histoire en même temps, et là tu vois comment les choses ont évolué, puis comment les choses en sont arrivées à qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, comment on en est arrivé là. C'est ça, parce que nous on voit la situation actuelle, mais on ne sait pas comment on a fait pour arriver à cet état-là. C'était quoi les causes, c'était quoi les facteurs, c'était quoi les éléments, c'était quoi les choses qui ont fait que la conséquence qu'on est en train de subir aujourd'hui, c'est quoi qui l'a mis en qui les a établis, cette situation-là. Eh bien, quand on prend le temps d'étudier ça puis de l'analyser comme il faut, et de prendre ça en considération par rapport au Coran et à la Sunna, eh bien, de là, on va être capable de comprendre nos erreurs, puis on va être capable, Inch'Allah, par la suite, d'essayer de les corriger en justement réparant les fautes qu'on a faites et pas les refaire. Mais si on ignore notre passé, on ignore les raisons, les causes et donc les conséquences qui nous ont amenés à notre situation actuelle, eh bien, c'est-à-dire on a perdu la, c'est comme si on a perdu la mémoire. On est devenu, comment on appelle quelqu'un qui est on est devenu amnésique. C'est comme si on est devenu amnésique. C'est comme si, on va dire que, supposons, quelqu'un, il t'a kidnappé, ok, et il t'a mis des électrodes sur la tête pour te faire oublier tout ton passé. Puis après, il t'amène chez lui, et puis là, tu te réveilles un matin, puis là, t'es là-bas. Il dit, viens manger, viens t'asseoir, puis tu sais pas qui c'est cette personne. Et il te dit, ben, nous, on était amis, alors qu'en réalité, c'est eux qui t'ont kidnappé. Il n'y a pas de doute. Ben oui. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne les histoires des prophètes précédents dans le Coran? Et pourquoi on étudie As-Sira al-Nabawiyya, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que si on ne comprend pas la Sira, on ne peut pas comprendre le Coran comme il faut. Si on ne connaît pas la Sira, si on ne connaît pas l'histoire des prophètes, comment on va faire la distinction entre la vérité et le faux? Parce que si on analyse les choses uniquement selon un point de vue matérialiste, comme les kuffars quand ils analysent l'histoire, eux ils regardent les conflits comme ça, c'était des arabes contre des arabes qui se battaient entre eux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre d'autres arabes, mais c'était, ils se battaient entre eux, c'est tout. Puis c'est lui qui a gagné, donc c'est lui qui a pris qui a eu le dessus, donc c'est sa religion qui a eu le dessus, et ils regardent ça comme ça. Mais ils ne voient pas que c'est le message, la prophétie, la vérité, la révélation. Non. En tout cas, on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce point. On continuera la suite, Inch'Allah. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.